Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah non, t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs, le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. Arsène Burny, président de la commission Télévie, a reçu la Gaillarde d'Argent, un titre de l'ordre de la Légion d'honneur. Exactement, c'était ce jeudi lors d'une soirée de gala donnant le coup d'envoi des fêtes de Wallonie à Namur. Et en lui remettant son prix, le bourgmestre de Namur aurait déclaré « Ah, Arsène Burny, c'est un homme qui en a dans le froc ». Voilà. En Chine, le futur président chinois a disparu. Xi Jinping a été vu pour la dernière fois en public le 1er septembre à Pékin. Bruno Valkeneers, le leader du Vlaams Belang, a réagi à cette information. Il aurait déclaré « Je ne vois pas pourquoi on nous prend la tête avec cette information. De toute façon, un chinois de perdu, un milliard de retrouvé. » En Espagne, 1,5 million de manifestants ont réclamé leur indépendance à Barcelone. En manifestant, ils ont battu le record de la plus grande paella avec de vrais morceaux de con dedans. Ça donne faim. C'était drôle ça. Somalie, élection d'un nouveau président. Hassan Cheikh, le nouveau président, va devoir relever son pays plongé dans la guerre civile en espérant que Hassan Cheikh n'est pas en bois. Ouais, de toute façon, à la moindre erreur, Hassan Cheikh va devoir la payer cash. Et pour terminer, si vous aimez les jeux d'enfants et les gardiens de prison, jouez à saute-maton. Oh là là là là là là là. Tous les matins, 6h-6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on va jouer avec qui ? Bonjour, qui est là ? Mona. Ah Mona, bonjour Mona, t'appelles de Bruxelles, tu as 15 ans Mona. Oui. Et on va jouer au Ni Oui Ni Non, Ni Vous Verrez Bien. Tu as déjà joué au Ni Oui Ni Non, Ni Vous Verrez Bien? Bah avec la famille, mais sinon non. Ah d'accord, ok, très bien. Et bah, oui, écoute, à la maison, on s'entraîne pour battre Aline. Voilà, tu vas jouer maintenant donc face à Aline justement. Pas dire oui, pas dire non, pas dire donc pas d'hésitation quoi, tu vois. D'accord. Allez, faut du tac au tac, conversation la plus normale, la plus logique, la plus naturelle possible, d'accord? Ok. Sachant que tu as un avantage, Aline est bourrasse. On y va, c'est parti. Allez, bonne chance, c'est parti. Merci. Salut. Allô Aline. Salut, ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Comment ça se passe aujourd'hui? Très très bien. Je me sens en pleine forme. Oh, vous rigolez. Et toi? Bah ça va. Que vas-tu faire aujourd'hui? On va à l'école ou on fait rien? Tu es à l'école? On va à l'école, on fait pas rien. Pas encore. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 15 ans. D'accord. Et toi, tu as quel âge? J'ai 22 ans. Et c'est quand ton anniversaire? C'est le 8 mars, le jour de la femme. T'as oublié. C'est sûr. Tout à fait. Et toi? Le 15 avril. D'accord. Tu as des frères et sœurs? J'en ai un. J'ai un frère. Tu l'aimes bien? Pas trop. Pas trop? Pourquoi? Parce que... T'as un petit frère? Parfois méchant. Un petit frère de... Deux! Elle a dit oui, oui, un petit frère. Ah oui, bah oui. Oh là là, on va réveiller. Ah, et en plus, sur le fil, j'allais justement arrêter le truc parce que le chrono t'arrive à la fin. Ah bah dis donc, voilà. bah oui. Magnifique. Et bah voilà, heureusement qu'il y en a qui suit. Ah ouais, à la 59e seconde, c'est dommage, à une seconde de la fin, tu as craqué. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. On va appeler pour la question existentielle, mais à base de quoi ce matin? À base de, en fait, que j'ai croisé une meuf hier qui avait une ceinture Dolce & Gabbana et je me suis demandé. Comme beaucoup, mais donc du coup, je me suis demandé si en fait elle la mettait pour se rappeler où était sa gauche et sa droite. Bien sûr, évidemment. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler à Eusy pour leur poser la question. Direction Eusy, maintenant, c'est parti. Hop là, c'est parti. Allô. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, voilà, je vous appelle, j'ai une petite question à vous poser. C'est quoi? La question, en fait, je me demandais si. Est-ce que vous pensez que les blondes qui mettent des ceintures Dolce & Gabbana le font pour se rappeler où est leur gauche et leur droite? Vous n'avez pas autre chose à faire à ce tour-ci? Non. Ah ben, faites autre chose, parce que moi je suis occupée. Hein. Ah, vous faites quoi? Je Je m'occupe de mes enfants qui vont à l'école. Ah oui, d'accord. Apprendre des choses intéressantes. Et d'accord. Et pas pour... poser des questions biaises comme vous le faites. Mais je ne vous permets pas, madame. Enfin, moi, je vous appelle pour vous poser une question sérieuse. Je m'en fous. Tu vas faire, ça va. Tes discussions sur le blog, on n'a rien à faire. Je ne sais pas pour qui tu te crois à sonner aux gens comme ça. Hein. Oui, mais enfin, je comprends pas. Non, non, il n'y a pas de oui, mais. Oh là là là là, elle est vénère. Hein. Bon, c'est pas grave. Moi, sympa, là, pour le coup. Bah, on la rappelle, elle avait l'air tellement agréable que je me dis que ce serait dommage de se quitter comme ça en mauvais termes. Oui. Bon, allez hop, on remet le couvert. Une dernière. C'est moi qui régale. C'est reparti. Allô? Oui, c'est pas très gentil, madame, de me parler comme ça. Pourquoi? En fait, je me demandais pourquoi. Est-ce que les... Enfin, si vous pensiez que les blondes qui mettent des ceintures Dolce Gabbana, c'est pour se rappeler où est leur gauche et où est leur droite. Peut-être que ça peut leur servir, hein, mais. C'est pas mes affaires, hein. Ah, c'est pas ses affaires. Non, voilà. Bon, alors si c'est pas ses affaires, hein, alors qu'elle aurait pu répondre oui ou non, on aurait été fait, quoi. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mickaël à la radio. Le replay. Tous les matins. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. C'est l'heure maintenant de la ligne anti-relou. Les meilleurs messages laissés sur le 0473 86 0013. On va écouter le premier message maintenant, c'est parti. Coucou, c'est Mickaël, ça va? Tu peux me dire si tu seras toujours pour ce soir? Dis-nous, un peu tout à l'heure. Ben non, ça va pas pour ce soir, là. Visiblement, il y a quelque chose de prévu, hein. D'autres que de te voir, en l'occurrence. Message suivant. Ouais, Lisa, c'était Fabrice, c'était pour savoir tes nouvelles. Je veux que tu ne m'as pas rappelé. Je suis un petit peu inquiet parce que tu m'appelles pas. Bon, tu peux me rappeler, s'il te plaît? Merci. Oui, je pense qu'il va falloir oublier cette option du rappel, malheureusement. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Je vais passer une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio.